Après 4 bonnes heures de montée, moitié roulant, moitié trottant, conformément au programme de scolastique, à travers buissons et pierrailles, les voyageurs enfin arrivèrent devant le jas perdu de Bramefin. Ce n'est pas beau, dit Madame Ambroisine, tirant sur le bridon pour considérer la masure rougeâtre, en cailloux roulés, avec son toit bas d'où sortait un peu de fumée. Les blés sont clairs, reprit Monsieur Victrice. J'y vois dedans les grillons courir. Et Madame Ambroisine conclut. Dame, pour 159 francs par an, on ne pourtant pas avoir le château du marquis de Carabas. Monsieur Victrice cédant, Madame Ambroisine pied à terre, et tous les deux s'avancèrent, suivis de l'âne. Mais ce qu'ils voyaient, ce qui les entourait, avait un tel air de misère qu'à l'idée de demander de l'argent, ils se sentaient déjà gênés. Tu t'expliqueras le premier, Victrice. Il vaudrait peut-être mieux que ce fût toi, Ambroisine. À leur approche, deux galopins ébouriffés qui jouaient dans un tas de paille prirent la fuite. Leur mère, en train de filer sa quenouille sur un tronc d'arbre, se dressa. Vous êtes perdus? Vous allez sans doute visiter Pierre-Écrite? Alors c'est plus bas, près de la source, qu'il fallait tourner.